Thank you.

C'est-à-dire c'est très... C'est un chef d'orchestre. Hein. Il est le chef, quoi. Chitain. Il est le chef, quoi. Les sons métalliques. Thank you. Thank you. entreprise de produits illicites. Je vois qu'il s'excite, mais il a rien dans le caleçon. Il a rien dans le caleçon. Mec, c'est un fouxe. Mec, c'est un fouxe. Il a reconnu de produits illicites. Je vois qu'il s'excite. Il n'a rien dans le caleçon. Il a plus de produits ici. Oh, plus sexy. Et il n'a rien dans le caleçon. Thank you.